Alors, clivage, bah, évidemment, on s'intéresse à un certain nombre de choses à l'époque. On s'intéresse aussi à la psychiatrie, surtout aux alternatives à la psychiatrie conventionnelle. Et on a des amis ou des copains, un peu des deux, qui sont soit infirmiers ou élèves infirmiers en psychiatrie, soit internes en psychiatrie. Et alors le point de départ, alors, donc Clivage, ça va être aussi une association loi de 1901. On trouvait extrêmement drôle à l'époque de mettre un petit extrait du dictionnaire et de placer clivage entre clitoris clivé, cloaque et clochard. Voilà. Ça nous faisait beaucoup rire. Donc clivage est né effectivement de la rencontre de gens qui étaient dans l'audiovisuel ou dans le travail social ou dans la psychiatrie et qui avaient ensemble envie de faire savoir des choses sur l'exclusion, la marginalisation, pour reprendre les termes qui sont là. Et bon, ce document est un petit peu ultérieur. Vous voyez que là, on a déjà été subventionné pour acheter du 3/4 pouce. Mais le point de départ, en fait, c'est ce film dont on va voir un extrait tout à l'heure, un court extrait, Siamo matti ma educati, qui est tourné en juillet 78 à Trieste, dans l'hôpital où opère Franco Basaglia, un des pères de la psychiatrie démocratique, et l'hôpital aussi où s'était tenu le premier rassemblement au congrès de l'antipsychiatrie. Ce qui fait que, je ne sais pas si on aura cette image dans le film, mais il y a un moment, on a des graffitis en français qui datent en fait du congrès où les Français étaient venus à Trieste. Donc, Siamo matti ma educati, alors c'est une histoire assez amusante parce que, au point de vue du matériel, je crois que c'est l'image suivante, oui, on tourne ça avec cet Akai demi-pouce à cassette, le format éphémère, qui marchait relativement bien. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'un des gars qui était infirmier psy avait acheté de ses propres deniers un ensemble portable. Et en sachant pratiquement même pas s'en servir, mais donc l'avait mis à disposition du projet pour ce film. Donc ça a été tourné effectivement sur ce standard, ce qui a compliqué beaucoup les choses sur le plan technique après, parce qu'il a fallu transférer sur U-matic pour monter, ou peut-être même sur demi-pouce pour monter sur U-matic, je ne sais plus exactement. Bon, en tout cas, l'image est encore visible, on se demande comment. Donc, comme on verra un extrait, bon, je ne m'étends pas. Le film suivant, c'est Instituer l'échange. Bon, tout ça est en numérisation aussi. Hein. Instituer l'échange, qui est un projet assez particulier. Parce que là, c'est un contrat. C'est un autre ami qui a d'ailleurs été étudiant en cinéma avec nous. Il s'appelle Dominique Gibraille, qui a fait carrière comme producteur au film du Tambour de Soie. Et qui faisait un peu de formation dans un hôpital psychiatrique de Marseille, l'hôpital de Valvert. Et ça a été d'âpres négociations, en fait, qui ont consisté à convaincre les autorités d'hôpital psy que s'il y avait une chose à faire intéressante en termes de formation, c'était un film montrant ce qu'il en était de la communication dans un hôpital psychiatrique. Au départ, eux avaient beaucoup plus envie qu'on donne des cours. Et nous, on a dit, on préférerait faire un film où tout le monde ait la parole, les soignants, les soignés. Et donc, une des choses amusantes du film, c'est qu'on ne sait jamais qui est qui. Infirmiers, médecins, malades. Et il y a parfois des confusions amusantes chez les spectateurs. Ça nous plaisait beaucoup. Donc, c'est un film qui est financé. Alors, je n'ai plus les chiffres. Mais un peu comme disait Hélène, il y a une période faste là, hein. C'est quand même le début du premier septennat de Mitterrand, ça coïncide à peu près, ça commence peut-être un peu avant, et c'est qu'il y a les FIC, c'est vrai qu'on on obtient des enveloppes pour salarier les gens. Hélène est salariée de Clivage à une époque, je ne sais plus quelles années, au début. Là. Pas au tout début. Un autre film, Pièces uniques, donc qui se déroule dans un institut médico-éducatif avec des handicapés lourds qui font une activité théâtre. Un film difficile, conflictuel avec la direction. Et puis des ateliers dans les... Voilà ici un petit récapitulatif. Hein. Donc 78-79, Siamomati, 80, Institut l'échange. Dès 81, mise en place d'ateliers à l'usage des personnels et des pensionnaires dans des hôpitaux psychiatriques. Hein. Ça, c'est une formule clivage. On forme à la vidéo, ensemble, les soignants et les soignés. Et alors, c'est très drôle parce que... révolté par l'usage de la vidéo dans les hôpitaux psychiatriques avec les glaces Santin. Les glaces Santin qui donnaient un pouvoir de plus aux thérapeutes de ouais. Troisième œil, quoi. Et donc, nous, on avait l'ambition de casser ça. Juste une petite anecdote, à l'HP d'Aix-en-Provence, il y a commencé à y avoir des tentatives de fermer des pavillons. Enfin, des médecins et des infirmiers qui jugeaient qu'un grand nombre de malades pouvaient vivre dans les appartements thérapeutiques. Et moi j'ai participé à un tournage où les fous avaient la caméra et allaient interviewer les gens sur le cours Mirabeau et ailleurs en leur disant qu'est-ce que vous pensez de l'ouverture des pavillons de l'hôpital. On peut dire non, les fous, il faut les laisser à l'intérieur, non. Et il parlait à quelqu'un qui était psychiatrisé, qui acquiesçait. Oui, qui était absolument c'était très dans drôle. Son travail sérieux. Une des idées, effectivement, c'était de donner un pouvoir, celui des images, aux malades mentaux. Donc, un peu par hasard, il y a un film sur la lecture publique en Haute-Provence, à la bibliothèque itinérante. Après, il y a cette grosse opération, alors le film est encore de numérisation aussi, les chroniques de Souterraine, hein, sur 3 ans, 82, 83, 84. On a fait connaissance... Moi, j'ai commencé en 76 à travailler aussi comme formateur en audiovisuel dans un centre de formation d'éducateurs spécialisés. Par ce biais, on a fait connaissance de gens qui ont un lieu de vie alternatif, mais qui, contrairement à d'autres... propose une complémentarité avec les lieux psychiatriques. Donc, ils ont un lieu de vie dans les Cévennes, mais qui reçoivent des enfants, comme vous voyez là, hein, en alternance avec les institutions. Donc, pendant 3 ans, on tourne et on monte les chroniques de Souterraine, qui est un film qu'on aime assez, qu'on signe Hélène et moi, finalement. Hein. Là, on investit quand même... de plus en plus aussi des démarches d'auteur. Hein. C'est vrai que d'ailleurs, là, on est après 81, donc c'est effectivement intéressant 80. De voir les glissements qui s'opèrent, effectivement. Voilà. On se professionnalise, on se pense davantage comme auteur, ce qui ne nous empêche pas de travailler avec les gens, hein, mais on n'est plus du tout dans la confusion, tout le monde fait tout. Alors, voilà une image de visionnage à Souterraine. Et puis, rapidement, mais parce que je trouve ça joli... voilà, les films clivages, souvent, on les met en dépôt dans des institutions. Donc là, c'est avec un institut suisse, hein, l'école d'études sociales et pédagogiques en Suisse. Vous voyez qu'on dépose quand même pour 800 francs, hein, une copie humatique, hein, ce qui est assez cher. Ils sont suisses, ils sont riches. Mais on a fait ça avec un certain nombre d'institutions. Hein. Ça, c'est un film qui a été déposé dans des médiathèques, d'instituts de formation ou autres. Hein. Après, ça, c'est les actions. Alors, vous voyez, le CPI, c'est un centre psychothérapique infantile. Donc, vous voyez qu'on travaille avec les infirmiers psy ou éducateurs et les enfants. Voilà. Là, donc, on continue. Et voilà la formation de soignants à l'hôpital psychiatrique d'Aix. Là, on fait du montage de VHS sur VHS. Oui, voilà. Il y a des bonis, mais je les passe maintenant parce que c'est rigolo. Donc ça, c'est mon job au centre de formation d'éducateurs spécialisés. Donc on fait de la vidéo demi-pouce aussi. Voilà, hein, le montage demi-pouce sur demi-pouce à l'époque. Et puis aussi le rôle des institutions socioculturelles. Le studio 816, on allait monter assez souvent. Là, il y avait une journée autour de la paluche à Hatton. Ouais. On a oublié de dire quelque chose qui est quand même important, c'est la création de l'INA Sud-Est là, dans les années 76 à 75 même, qui a été complètement déterminant, parce qu'il nous... Donc c'était Henri Dumollier, là, qui a... ça a démarré avec un petit appartement à Lambesc, qui est un bourg, et il y avait une pièce où il y avait des bandes vidéo qui nous donnaient, où il y avait un peu de matériel, où on venait chercher des moniteurs. Et, des... Ouais. Et ensuite, Lina a monté des formations auxquelles on a participé et qui ont été quand même très, très importantes. Et Lina a organisé assez vite les diffusions des films et pour accéder à un public plus large. Effectivement, on a beaucoup tourné sur des bandes ou des cassettes fournies gratuitement par Lina et diffusé avec un matériel de diffusion fait pour ça, qui appartenait à Lina Sud-Est aussi, en pneumatique. Très bien, écoutez, merci beaucoup, et merci beaucoup pour toutes ces images. Je me disais vraiment aussi, en les voyant, combien tout le matériel photographique, iconographique que vous avez conservé, il est aussi extrêmement précieux. Toutes ces photographies du matériel de l'époque, bah parfois le matériel lui-même, on ne sait plus forcément où il est, etc. Et on l'incarne beaucoup mieux. Enfin, c'est, voilà. Et merci bien sûr pour la présentation surtout des trois groupes.